Bon, cet audio va se focaliser sur la différence qu'il y a entre la démocratie, hein, et le système islamique, le système démocratique face au système islamique, pour voir toutes les différences et pour bien faire comprendre que malheureusement beaucoup de personnes pensent que la démocratie dite actuelle provient de l'islam, alors qu'ils confondent tout. Ils confondent la charia d'Allah. Ils confondent Eshora, la loi d'Allah, et ce qu'on appelle la concertation qu'on fait pour émettre des sortes de lois pour les questions contemporaines. Donc, Inch'Allah, c'est un tableau comparatif entre le système démocratique et le système islamique pour bien comprendre les différences et pour bien comprendre pourquoi un musulman par essence, un musulman qui a bien compris son tawhid et sa religion ne doit pas adhérer à la démocratie, au système démocratique tel qu'il est. D'accord? C'est plus la démocratie plutôt que la démocratie. De toute façon, ce qu'on va établir là tout de suite, bien sûr, ce sont les règles de la démocratie. Mais dans la théorie, parce que dans la pratique, bien sûr, c'est différent. Enfin bref, donc, Inch'Allah pour commencer, le système démocratique et le système islamique. Premièrement, dans le système démocratique, les fondements du pouvoir émanent de l'esprit humain, qui est bien sûr imparfait et sujet à l'erreur. Tandis que contrairement dans le système islamique, les fondements du pouvoir proviennent de la révélation du Créateur, absolu et parfait. Premier point. Le deuxième point, dans le système démocratique, le système gouvernemental peut prendre la forme d'une république ou d'une monarchie. Le passage de la monarchie à la république ou inversement est autorisé. Tandis que dans le système islamique, le pouvoir est le khalifa, le califat. Le califat interdit le pouvoir dynastique. Le califat ne peut être transformé en monarchie ou en république. Troisième point, dans le système démocratique, la démocratie repose sur les idées maîtresses. A, la souveraineté appartient au peuple. B, le peuple est la source des pouvoirs. L'appareil d'État se compose de trois pouvoirs chargés de produire et d'appliquer les lois. A, le pouvoir exécutif, les ministres. B, le pouvoir législatif, le parlement. C, le pouvoir judiciaire, la magistrature. Ces trois pouvoirs s'appuient sur d'autres institutions comme l'armée, la sécurité générale et la sécurité intérieure. Alors que dans le système islamique, toujours pour ce troisième point, en islam, la souveraineté revient à la charia, à la loi islamique, non au peuple ou à la oumma, la communauté. La oumma choisit des gouvernants, leur déléguant ainsi la faculté d'appliquer la loi islamique et de propager l'islam. Et l'appareil d'État dans un État islamique repose sur huit piliers. Premier, le khalifa, d'accord, ou chef de l'État. Ensuite, les adjoints du khalifa, d'accord. Ensuite, les adjoints d'exécution. Ensuite, le responsable du djihad. Ensuite, les gouverneurs, al-hukam. Ensuite, les juges, al-qadi. Ensuite, les services administratifs et le conseil de la Oumma. Ensuite, quatrième point, dans le système démocratique, la souveraineté appartient au peuple. D'accord? C'est donc lui qui légifère par le biais de ses représentants. Tandis que dans le système islamique, la révélation est la source des lois. Le peuple, chargé de veiller à l'application de la loi islamique, désigne des gouvernants pour la mettre en vigueur. Voilà la grosse différence. Cinquième point, en démocratie, les tribunaux sont civils, c'est-à-dire non religieux, tandis que dans le système islamique, les tribunaux jugent exclusivement selon la loi islamique. Sixième point dans le système démocratique. Dans le système démocratique, la politique étrangère est axée sur le respect des frontières étatiques et des eaux territoriales. On y considère sacrée la liberté des peuples à choisir leur système et loi. Alors que dans le système islamique, c'est différent. Sous l'égide du système du pouvoir islamique, la politique étrangère est axée sur le djihad en vue de la diffusion de l'islam. Elle combat les frontières et les obstacles matériels qui entravent le passage des individus de l'adoration de l'homme à l'adoration du maître des hommes. Septième point, dans le système démocratique, Le système démocratique préserve la séparation et la multiplication des petits États. Il défend l'idée d'indépendance de ces petits États. Alors que dans le système islamique, le khilafa, le califat, ne reconnaît ni les frontières, ni l'indépendance d'un pays islamique par rapport à un autre. La Oumma, la communauté, est une entité unique et indivisible. Il n'existe qu'un même État, une même armée, un même drapeau. Le drapeau de la ilaha illallah, tout simplement. Huitième point, dans le système démocratique, les institutions démocratiques respectent les nationalismes, les sectarismes et l'esprit du clan d'une façon générale. Elle les encourage même et les préserve. Tandis que dans le système islamique, le système du pouvoir islamique dissout le nationalisme, d'accord, et l'ethnocentrisme. Il leur substitue le lien idéologique de l'islam. Neuvième point, dans le système démocratique, le chef de l'État est élu pour une période déterminée, son mandat pouvant aller de 4 à 7 ans. Tandis que dans le système islamique, le khalifa est maintenu au pouvoir tant qu'il remplit les conditions requises pour sa fonction. Dixième point, en démocratie, on peut se rebeller contre les ordres du chef de l'État, manifester et déclarer son désaccord par rapport à sa politique. Tandis que dans le système islamique, l'obéissance au khalifa est obligatoire, tel Allah l'a fait descendre dans un verset appelant à l'obéissance des gouverneurs musulmans, sauf bien sûr si son ordre va à l'encontre de la loi islamique. Onzième point, dans le système démocratique, il est permis de constituer des partis sur d'autres bases que celles de l'islam, partis fondés sur la laïcité, le nationalisme, l'athéisme, communisme et autres. Tandis qu'en islam, dans le système islamique, il est interdit de constituer des partis politiques autres que ceux fondés sur l'islam dans sa doctrine et son système. Douzième point, sous la démocratie, la société est partagée entre sympathisants et opposants au régime. Tandis que dans le système islamique, la société n'est pas divisée en deux camps diamétralement opposés, le pouvoir et l'opposition. C'est le peuple tout entier, ainsi que le conseil de la Oumma, de la communauté, qui demande compte au gouvernant. Si ce dernier doit légalement être destitué, la Cour suprême se charge de prendre la décision qui s'impose. Le gouvernant n'est donc pas à la merci des humeurs et des passions de ceux qui représentent l'opposition, comme c'est le cas dans le système démocratique. Ensuite, le 13e point. Dans la démocratie permet en théorie à n'importe quel individu de la société de prétendre au poste de chef de l'État, abstraction faite de ses compétences, de ses qualités personnelles et de sa religion. Tandis qu'en islam, l'islam stipule que pour occuper la fonction de khalifa, on doit nécessairement être musulman, loyal, libre, c'est-à-dire ne subissant aucune contrainte, de sexe masculin, en pleine possession de ses facultés mentales. En outre, il existe des conditions préférentielles comme celle de posséder la compétence nécessaire de l'interprétation juridique, l'ijtihad, etc. 14e point, dans le système démocratique, la démocratie n'est pas la shura, ce qu'on appelle la consultation. Elle est un système de gouvernement ayant des règles globales et des règles particulières. Elle gère l'ensemble des affaires du pouvoir conformément à une certaine vision du monde. Cette démocratie n'émane pas de la charia d'Allah et n'est donc pas une prescription légale comme l'est la shura, comme l'est la consultation. D'accord? Ça, ce point est important parce que beaucoup de prétendus musulmans essaient de faire croire que la démocratie dite actuelle qui est appliquée en Occident est la même que Ashura, ce qu'on appelle la consultation dans le système islamique. C'est faux. Car dans le système islamique, la consultation, ce qu'on appelle Ashura, n'est pas un système de pouvoir avec des règles globales et des règles particulières. Elle ne figure même pas parmi les fondements du pouvoir. La Shura, la consultation, est simplement une technique qui consiste à demander un avis. Dans certaines situations, elle est obligatoire, dans d'autres non. De plus, la Shura est une prescription de la charia d'Allah, non une production humaine comme la démocratie. 15e point concernant la démocratie. La démocratie ne se préoccupe pas de la source qui doit fournir les idées pour former la doctrine, la civilisation et les préceptes légaux. Tandis qu'en islam, l'islam exige de celui qui s'en revendique de s'en soumettre au message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que référence de la doctrine, de la civilisation et de l'assemblée des lois. Faites ce que le prophète vous ordonne et gardez-vous de commettre ce qu'il vous défend de faire. Et Allah dit, ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir eu foi en ce qui a été révélé et ce qu'il a été avant toi? Ils veulent se soumettre au jugement de la fausse divinité alors qu'on leur a ordonné de la nier. Satan veut les égarer bien loin. Non, par Allah, Ils n'auront la foi que lorsqu'ils seront soumis à ton jugement. En outre, le hadith et le verset stipulent que toute action qui nous est étrangère est à rejeter. C'est-à-dire que l'islam interdit donc d'adopter ce que l'Occident conçoit comme doctrine, vision du monde, loi, etc. Or, la démocratie est un système occidental issu de la doctrine capitaliste qui fait une nette séparation entre la religion et la vie. Ensuite, 16e point. Concernant la démocratie provient de la doctrine capitaliste qui sépare la religion de l'État et plus généralement de tout ce qui est trait à la vie. Sa devise étant « Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Tandis que dans l'État islamique est basé sur la doctrine de l'islam, dans laquelle la religion, l'État et la vie ne font qu'un. Tous les problèmes de la vie et l'ensemble des affaires de l'État doivent être gérés selon les ordres et les interdits de Dieu absolu. D'accord? Et César et ce qui est à César appartiennent à Dieu, tout simplement. 17e point. En démocratie, la laïcité règne. D'accord? Laïcité, dans la théorie. Tandis qu'en islam, dans le système du pouvoir, en islam, la loi d'Allah règne, tout simplement. La loi islamique règne. 18e point. La vie au sein de la démocratie a pour référence la civilisation capitaliste qui est fondée sur l'intérêt pur et ne reconnaît pas de valeur autre que matérielle. Tandis qu'en islam, le système de l'islam repose sur la civilisation islamique qui est bâtie sur une base spirituelle, celle de la foi en Allah absolu. Pour la civilisation islamique, le licite et l'illicite sont la mesure de toute chose et l'élément d'appréciation de tous les actes. 19e point. Chez les adeptes de la démocratie, le bonheur est défini comme étant l'acquisition du plus grand nombre de plaisirs. Physique, matériel. Tandis qu'en islam, chez les musulmans et dans la civilisation islamique, le bonheur consiste à gagner l'agrément du Seigneur, d'Allah, en respectant ses ordres et ses interdits. 20e point. En démocratie, c'est la majorité qui fait la loi. Même si son opinion s'avère fausse, il peut s'agir de. Premier point, la majorité du peuple pour un référendum. Deuxième point, la majorité des députés pour voter un projet de loi. Ensuite, la majorité des ministres pour élaborer un projet de loi ou suivre une politique déterminée. Ensuite, la majorité syndicale ou associative. Ensuite, la majorité pour accorder ou refuser la confiance à un ministère. Et ensuite, la majorité obligatoire pour mettre en vigueur les décisions du Parlement ou du Conseil des ministres. Tandis qu'en islam, c'est la charia, c'est la loi d'Allah qui tranche les différends. Même si ses partisans sont minoritaires, la majorité n'est pas consultée pour l'application des dispositions de la loi. L'opinion technique, c'est-à-dire celle des spécialistes et des experts, n'est pas soumise à l'avis de la majorité. Le seul cas où l'opinion de la majorité est prise en considération est celui dans lequel il s'agit de trancher une question qui se rapporte à un acte soumis à l'indifférence juridique. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille d'Uhud, suivait l'avis de la majorité des musulmans qui pensaient que l'armée islamique devait aller à la rencontre des impies, des Quraïchites, à l'extérieur de Médine. Ensuite, 21e point. La liberté, selon la conception occidentale du terme, n'a pas le sens de l'affranchissement d'un homme dans une situation d'esclavage. L'esclavage a disparu de nos jours. La liberté ne désigne pas non plus le fait de s'extraire d'une occupation coloniale, car les États occidentaux ne sont assujettis à aucun colonialisme. Ce sont eux les colonialistes. La liberté au sens démocratique n'est donc nullement opposée à l'esclavage et au colonialisme. La liberté dite fondamentale sont au nombre de quatre. Première liberté, soi-disant liberté, la liberté de conscience ou de culte. Pour les adeptes de l'idéologie capitaliste, l'homme a le droit de croire à ce que bon lui semble, sans contrainte aucune. Il peut, au gré de sa volonté, abandonner ses convictions ou sa religion pour en épouser d'autres. Ainsi, selon le point de vue de l'idéologie capitaliste, le musulman a parfaitement le droit de devenir chrétien, juif, bouddhiste ou communiste. Ensuite, la liberté d'opinion ou d'expression. Selon la démocratie, l'individu a le droit d'adhérer à n'importe quelle opinion ou pensée. D'accord? Il lui est également permis de militer pour n'importe quelle idée ou conviction. Il peut s'exprimer de la manière qu'il veut, sans que l'État ni les individus n'aient le droit de lui interdire quoi que ce soit. Bien plus, les lois de la démocratie ont pour rôle de préserver cette liberté d'expression. Elles cautionnent les opinions qui s'opposent à la religion et qui blasphèment contre elle. D'accord? L'ouvrage de Salman Rushdie en est un exemple. Ensuite, et les caricatures bien sûr. Ensuite, la liberté de la propriété. C'est-à-dire, c'est la liberté la plus caractéristique du système économique capitaliste. Elle a justifié l'idée de coloniser les peuples et de piller leurs richesses. La liberté de propriété autorise l'homme à acquérir des biens au moyen du vol dissimulé, de l'usure, du stockage des marchandises en vue d'influencer le marché, de la fraude, de l'escroquerie, des jeux du hasard, de la prostitution, du proxénétisme, de l'homosexualité, de l'exploitation commerciale des charmes féminins, de la production et de la vente d'alcool, et ainsi de suite. Et enfin, la liberté personnelle. Dans le système démocratique, la liberté personnelle consiste à s'extraire de toute contrainte et à se dégager des valeurs spirituelles, morales et humaines. Elle donne à la jeunesse le droit d'adopter, au vu et aux yeux de tous, n'importe quel comportement immoral et sans pudeur. Cette liberté personnelle qui est la source du sida, autorise l'homosexualité, la prostitution, l'alcool, la transsexualité et d'autres. Et donne aux jeunes le droit de se rebeller contre leurs propres parents. Il n'y a plus de valeur. Tandis qu'en islam, les libertés au sens occidental sont interdites par l'islam, car elles s'opposent aux prescriptions de la loi islamique. La liberté, dans la terminologie juridique islamique, n'a qu'une seule signification: l'état de celui qui a été affranchi de l'esclavage, c'est-à-dire de l'asservissement exercé sur lui par d'autres hommes. L'esclavage n'existant plus, le terme liberté dans l'usage courant ne peut donc faire référence qu'à la conception occidentale. Ceci dit, le musulman est fier de sa soumission à Allah, car être l'esclave ou le serviteur de son créateur est la plus noble qualité que puisse avoir un croyant. Or, la véritable soumission consiste à obéir aux ordres de son maître. La position de l'islam par rapport aux libertés fondamentales postulées par la démocratie est la suivante. La liberté. En islam, la liberté de conscience ou de culte. Il est formellement interdit aux musulmans de changer de religion. Ainsi, le hadith stipule: tuer quiconque renie son islam. Ce hadith, qui est dans le Bukhari, concerne celui qui abandonne l'islam pour une autre religion. Il s'applique à l'apostat, pris individuellement ou en groupe, comme ce fut le cas lors de la guerre menée par le khalifa Abou Bakr contre l'apostasie. Ensuite, la liberté d'opinion ou d'expression. En islam, l'opinion n'est pas libre mais soumise à la loi islamique. Il existe ainsi trois sortes d'opinions. Première sorte, l'opinion interdite, telle que la médisance, la calomnie, la diffamation dont sont victimes les femmes vertueuses, les attaques ou les propos injurieux contre l'islam, etc. Ensuite, l'opinion obligatoire, telle que l'obligation d'ordonner des actes convenables et de mettre en garde contre les actes répréhensibles, demander compte aux gouvernants, et ainsi de suite. Ensuite, l'opinion soumise à l'indifférence juridique, dire du bien ou se taire. Ensuite, il y a la liberté de propriété. En islam, l'usage des biens est strictement soumis à la loi. Qu'il s'agisse de les acquérir, de les échanger ou de les faire rapporter, il est interdit aux musulmans de prendre possession d'un bien comme bon lui semble. Les moyens légaux d'acquisition d'un bien sont le travail, commerce, industrie, agriculture, prestations de services, l'héritage, les dons et les legs. La liberté personnelle en islam. L'islam interdit de se comporter suivant ses passions. L'individu n'est pas libre de se faire du tort ou de mettre fin à ses jours en se suicidant, par exemple. L'islam interdit aussi les rapports sexuels hors mariage, ainsi que l'homosexualité. Il est interdit également d'abandonner ses parents ou de ne pas subvenir à leurs besoins alors qu'ils sont invalides. Hein? La loi islamique interdit de sortir avec le copain ou la copine, hein? De provoquer les filles dans la rue ou de leur adresser des paroles vulgaires et sans pudeur. Elle interdit même aux époux de s'embrasser en public, car c'est une forme de pudeur. L'islam est donc aux antipodes de la liberté personnelle telle que les conscients en Occident. Voilà, on arrive à la fin des différences entre le système démocratique et islamique. Maintenant, en conclusion, le système démocratique s'oppose au système du pouvoir en islam, tant au niveau des fondements qu'à celui des idées de détail. S'il existe quelques ressemblances entre certaines structures des deux systèmes, cela ne justifie nullement de glisser vers l'amalgame. En effet, la démocratie relève de l'impiété, du kofr, tandis que le système islamique est issu de la foi, el-iman. D'ailleurs, l'État islamique a assuré l'application du système en islam pendant plus de 13 siècles sans jamais employer le terme de démocratie, ni se référer à ses concepts. Mais avec l'éclipse du système islamique, il n'y a plus sur la scène internationale qu'un système démocratique face à un ensemble de régimes dictatoriaux, hein, dans les pays arabes. Or, il est naturel de préférer la démocratie à la dictature policière. Une analyse ancrée sur le Coran et la Sunna conduit à la conclusion que tous ces systèmes ne sont pas islamiques, y compris la démocratie. En refusant cette fameuse démocratie, cela ne signifie pas que nous, musulmans, préférons la dictatures policières qui sont dans les pays arabes. C'est simplement une position qui reflète que les musulmans, opte naturellement pour l'islam, véritable miséricorde pour l'humanité. Et s'il est vrai que l'islam et la démocratie se retrouvent sur certains détails, tels que le choix du chef de l'État par le peuple, l'élection des représentants du peuple, le fait de demander compte aux gouvernants, etc., ces deux systèmes divergent sur des points fondamentaux, qu'on le veuille ou non. Et le tableau que j'ai énoncé tout à l'heure a fait ressortir les divergences essentielles entre l'islam et la démocratie.